de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Maître Gims dans Planet Rap. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Maître Gims. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour le dernier Planet Rap de la semaine avec Maître Gims. L'album est sorti, ça y est, enfin aujourd'hui, le double album Pilule Bleue, Pilule Rouge. Album de Gims à découvrir encore ce soir entre 20h et 21h avec beaucoup de monde, beaucoup d'invités ce soir entre 20 et 21. Des beaux gosses bien sapés qu'on va vous présenter d'ici quelques minutes. Et puis l'arrivée de Gims aussi dans un instant. Mais juste avant de recevoir Gims, on va revivre un petit peu cette semaine. Une grosse semaine avec Maître Gims. Écoutez ce que ça a donné. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Je sais pas si je t'aime. La lettre à Maître Gims sur Skyrock. J'essaie d'y croire, je me voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. Je fais confiance. T'es ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. C'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Ça a eu dans le souffle, mais pourtant c'est du mal. Vu qu'il aurait cru que l'anneau provenait d'une naïve. Laissez-moi les gouverner par la terre. Je sens comme une odeur de peur. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Le Planet Rap avec Maître Gims qui a fait son entrée pendant justement ce replay de la semaine. Tout ce qu'on a pu vivre durant cette semaine, concentré en quelques minutes. Et j'ai envie de dire, mais quelle classe. Ça va être chiant avec le casque. Bonjour, bonsoir la France. Ça va être une galère le chapeau. Ouais, ça va être une galère avec le casque. Comment ça va Gims? Ça va très bien. Bon, est-ce que tu es bien? Ça y est, l'album est sorti, il est lâché. L'album est sorti, la bête est lâchée. La bête est lâchée en voilà, effet. Comme promis. Comme promis. Août. Tu as déjà des retours? Des super bons retours. Numéro 1 des ventes, on peut le dire hein, déjà. Numéro 1 des ventes, numéro cet album. Numéro 1 des ventes déjà cet album, grâce à vous. Et le single se porte bien aussi. Alors, on a eu un petit souci, c'est que Mylène est arrivée, hop, par surprise. Mylène Farmer est arrivée. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, Mylène? Hop, on l'attendait Mylène, pas hein, attention, elle a... c'est Mylène. C'est Mylène. Elle est arrivée chez elle. Par surprise, elle savait que Gims en même temps sortait tout. Souvent, on sort en même temps que Mylène, en plus. C'est même fou, avec hein. La section d'assaut et tout. Bon, pour l'instant, en tout cas, l'album numéro 1 des ventes, album de Gims, mon cœur avait raison. Et ce soir, donc, pour cette dernière émission, pour ce dernier Planet Rap, une émission, t'aurais dû me dire, je vais essayer de rivaliser avec vous parce que je me sens ridicule ce soir. Pour ce vendredi, on a décidé de mettre à l'honneur le vêtement, la sape, cette science, parce que c'est une science. Ah bah c'est une science, ouais. Et voilà, j'ai décidé de faire appel à des scientifiques, à des docteurs. J'ai nommé Norbert. Alors Norbert, présente-nous Norbert qui est quand même quelqu'un Norbert, moi je le connais, je le connais depuis pas mal de temps. La France l'a connu, si tu veux, le grand public l'a connu. Sur M6, c'est ça hein. Sur M6, avec des émissions comme Le Roi du Shopping, etc. Mais il est déjà connu dans ce milieu-là en tant que scientifique, en tant que quelqu'un qui a vu derrière l'horizon. Il est visionnaire, il ose mélanger des couleurs, mélanger certains vêtements. Il connaît cette science-là, qui est la science de la sape, la sapologie. Et c'était obligé pour moi de l'inviter ce soir parce que le son que je vais présenter aujourd'hui. Sapé comme jamais. J'avais besoin de l'introduire avec un homme comme Norbert. S'il veut bien lui-même aujourd'hui se présenter face à la France. Moi, je suis très ému de t'avoir à mes côtés. Je me sens totalement ridicule. D'ailleurs, si tu veux me faire un petit relooking express qu'il faudrait que je porte, n'hésite pas. À n'importe quel moment, n'hésite pas à me dire voilà, il y a ça qui va pas, ça, tout ne va pas. Je sais, mais n'hésite pas. Non. Bon, merci déjà à Maître Gims d'avoir fait un clin d'œil à Norbert de Paris. Je suis très touché par rapport à ça. Et évidemment, tout le monde est sapeur, quel que soit son niveau. Mm-hmm. Quel que soit le montant qu'on peut avoir, on est sapeur à partir du moment où on arrive à réfléchir et on s'habille. Alors, il faut expliquer que sapeur, évidemment, ça vient aussi, c'est lié à tes origines aussi. Oui, c'est lié à mes origines. C'est vrai que beaucoup, surtout les Congolais de Brazzaville, ouais, ont développé cette discipline-là il y a déjà pas mal d'années. Et aujourd'hui, si on veut, ça commence vraiment à remonter à la surface. Même les plus jeunes sont touchés par ce phénomène. On nous critiquait beaucoup il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les Congolais étaient dans un futur lointain. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est quoi l'idée même des sapeurs? C'est tu ne peux pas sortir au quotidien. Tu ne peux pas sortir comme si tu allais faire du sport, quoi. Il y a plein de codes. Le vêtement se respecte, comme le dit Norbert. Ça, il éduque les vêtements. C'est comme un champ qui cultive. Voilà, c'est bien ça, tonton. Ouais, c'est voilà. Ça, Maître Gims. En fait, le vêtement, c'est quelque chose qu'on doit respecter parce que le tissu symbolise une puissance. Voilà. Le tissu symbolise une puissance et à un certain moment, on se rend compte que quand on voit quelqu'un qui est très bien habillé, mm-hmm, donc il y a la gaieté, il y a la joie, ouais, ça n'apporte que le beau. Ouais. Et le beau, aujourd'hui, se résume sur la chanson de Maître Gims. Sapé comme jamais. Et puis donc, un autre sapeur, quelque part. Ce morceau est en featuring avec quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ah bah là c'est on peut pas quelqu'un passer qui fait le buzz en ce moment. On peut pas passer à côté de lui, hein. Il s'appelle Niska. Ouais, ouais. Et aujourd'hui dans tous les quartiers, dans tous les coins, dans tous les ghettos on de écoute France, du Niska. On n'écoute que du Niska et surtout on danse que comme danse Niska car elle mène la danse actuellement. Niska, messieurs dames. Ouais. Ça va bien Niska? Ouais, ça va. Bah, ça fait plaisir de t'avoir dans Planète Rap. Tiens, prends bien le micro. Je t'ai entendu encore cette semaine avec Difool. Ouais. T'es passé par téléphone. Ouais, j'ai passé chez Difool cette semaine. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de toi en ce moment. Comment tu le vis d'ailleurs ce moment? Bon, ça fait du bien, non? Je le vis bien. Hein. Je le vis bien. Hein. Ça me fait du bien, ouais, comme tu dis. Franchement, ça fait plaisir. Parce que ça fait pas très longtemps qu'on est là, tu vois. On a essayé de donner le maximum. On donnera encore plus, tu vois. Mais là où on est arrivé aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Et je tiens à remercier quand même Maître Gims aujourd'hui, tu vois, pour m'avoir fait venir sur Planète Rap, tu vois, aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir, tu vois. Et puis on le disait, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que Niska, on aurait pu croire qu'il était sur la pilule rouge, le côté pilule rouge de l'album, donc le côté un peu plus dur, un peu plus rappé de l'album. Et non, finalement, il est sur le côté pilule bleue de cet album. Parce que c'est un son festif, c'est un son qui n'est pas négatif, le son il n'est pas dur. C'est un son, les gens vont faire la fête dessus, on réfléchit pas, etc. Donc c'était pas nécessaire de le mettre dans la rouge. Il fait assez de rouge comme ça dans son coin, tu vois. Donc c'était intéressant même pour lui-même d'apparaître sur un son comme ça, qui pourrait être diffusé partout, qui pourra, tu vois, les gens vont pouvoir le connaître, tu vois. Et toi Niska, justement par rapport aux fringues, à la sape et tout, c'est quelque chose de culturellement important aussi pour toi? Ouais, je suis congolais, tu vois, je veux dire. Donc forcément c'est très important. Voilà, très important, peut-être pas, mais c'est important, on va dire, tu vois. C'est même capital. C'est capital. Excuse-nous, tonton. C'est capital. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller voir les vidéos de Norbert. Attention, c'est quelque chose. Où est-ce qu'on les trouve, Norbert, si on veut cliquer sur YouTube, il a des vidéos où, en fait, il donne des leçons. Il donne des leçons à des groupes de gens qui rentrent chez eux et ils finissent par déchirer leur vêtement parce qu'ils se rendent compte que, bon, c'était pas ça. Ah, c'était simplement s'abonner sur ta page et délire, en fait, qui est ma chaîne YouTube. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, je m'attribue pas le mérite, mais l'honneur aujourd'hui est à Maître Gims. Parce que voir des gens comme Maître Gims au jour d'aujourd'hui qui pensent à ses confrères, qui pensent à relever cette jeunesse qui a été laissée vers le bas, qui essaye de remonter vers le haut avec des bons musiciens comme Niska mélangé à la sap. Parce qu'il faut retenir une chose, sap sans musique n'est pas sap. Ah ouais. Et musique sans sap n'est pas musique. N'est pas musique. Voilà. Les deux vont de pair. Donc la liaison vraiment est magnifique. Un petit avis sur la tenue quand même de Gims, Norbert. Non. La tenue de Maître Gims, c'est que du lourd parce que là, quand tu vois, c'est des cérémonies avec du satin sur les revers. Donc c'est que du lourd. Aujourd'hui, on essaie de ne pas faire tâche. Niska, pareil. Niska, je suppose aussi pareil. C'est archi validé. Bien sûr. Vraiment validé parce que c'est le blanc et c'est la couleur en fait de Dieu. Ah bah, Niska, c'est une couleur de paix, c'est une couleur de pureté. Nous sommes en paix ce soir. Et une autre arrivée quand même aussi. Une autre arrivée subtile, dans un silence, un calme absolu. In the darkness. Qui rayonne d'ailleurs, il rayonne. Barack Adama, Monsieur le Président est arrivé, le Président. The Black House. Ça va et toi en forme? Comment tu vas? Bah, ça fait plaisir de te voir aussi. On m'a dit qu'il fallait m'habiller, donc. Ah bah, c'est réussi. Les sables. J'ai entendu qu'il y avait Niska, Norbert de Paris. Je dis, oh, faut s'habiller là. Norbert, c'est réussi aussi pour le président. Très réussi, très réussi. Ah. Parce que là, on a du jaune or, c'est vraiment magnifique. Mais je tiens à signaler que je ne suis pas jury. Hein, que... Non, mais tonton, on est obligé de te demander. Tu as traversé les époques, tu as porté les habits. Les habits te reconnaissent. Ça veut dire que quand il marche dans la rue, il passe à côté de quelqu'un qui a des habits, les habits de l'autre personne veulent aller sur Norbert. Sur Norbert. Donc c'est terrible. C'est qui est vrai. Les habits se font mal. Bon bah bienvenue à vous tous en tout cas pour ce Planet Rap, ça fait plaisir de retrouver un petit peu tout le monde. Je rappelle aussi le téléphone, on écoutera d'ailleurs quelques messages laissés sur ton téléphone que tu vas donner à Islam C la semaine prochaine. Ouais. 06 71 74 84 15 pour joindre Gims, encore on décrochera un petit peu avant la fin de l'émission. Alors qu'est-ce qu'on fait? On débute avec le morceau Brisé habituel? Ouais, on va commencer avec Brisé. Ou Sapé comme jamais Non, je pense qu'on va commencer avec Brisé. Avec Brisé? Tranquille. Ouais. Gardons un peu le morceau en effet. Et puis on attend vos réactions aussi avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Dites-nous un petit peu les réactions sur l'album, vos morceaux préférés. Ouais. Vous êtes plutôt pilule bleue ou pilule rouge. Vous bombardez de messages pour Maître Gims. L'album est sorti aujourd'hui. Allez-y, allez écouter. C'est du très très lourd cet album de Gims. Merci à tous. Et on débute avec, avec Brisé tout de suite. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes, pas les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Maître Gims pour ce dernier Planet Rap avant de te retrouver aussi d'ici une grosse semaine, hein, puisqu'après ASMC, ouais, tu reviendras. Exactement. Entre 20h et 21h. Ouais. pour faire découvrir une autre partie de l'album. Une autre partie de l'album, il y a 26 sons. Pour faire un point également sur tout ce qui s'est passé depuis ces quelques jours, là, depuis la sortie. On aura l'occasion d'en parler dans une petite dizaine de jours pour une nouvelle semaine de Planète Rap. Ce soir, on le disait, c'est la sape à l'honneur. Exactement. Les images sont dispo, hein, d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu comment sont sapés, notamment Maître Gims, Niska, Norbert de Paris. Hein. Norbert de Paris. Je voulais présenter quelqu'un d'autre aussi, un artiste avec qui je travaille depuis quelques temps. Un talent, lui c'est pas spécialement dans la musique, c'est plus c'est un humoriste, one man show, c'est un acteur, c'est un viner, c'est quelqu'un de très très intéressant, de très polyvalent. Il s'appelle Noah Lunzi, je vais le laisser se présenter. Ça va bien ? Ça va et toi Fred ? Eh ben écoute, en forme, bienvenue, fais-nous un petit CV express pour les gens qui vont te découvrir. Moi c'est Noah Lunzi, je suis viner. Ouais. Viner, comédien, humoriste, clasher. Donc ça va aller très vite en fait en van, parce que c'est quoi, 15 secondes maximum. C'est un phénomène américain qui est sorti il y a pas très longtemps et ça, c'est en train d'exploser sur la toile. Et voilà, j'ai eu la chance de signer avec Maître Gims depuis maintenant quelques mois. Et tout va pour le mieux. Donc on peut te suivre où? Alors où est-ce qu'on peut retrouver tes meilleurs vines? Sur Instagram, Noah Lunzi. Sur le Facebook officiel, Noah Lunzi aussi. Sur Twitter, Noah Lunzi. Sur YouTube, on prépare une série télé. Un genre de soda qu'on va amener à grand public. Et on a un single aussi, Bocinto, qui arrive très très bientôt. Un single bien pour rigoler, hein, pas pour. Et là, là, en voyant un peu tout le monde, t'as des idées de vine ou pas? Est-ce que tu vas en vine sur tout le monde? Il y en a qui ont des têtes bizarres. je peux vanner pendant 4 heures là. C'est tranquille. Même toi, hein, Fred. Ouais, bah ça, je sais. Je peux être la première cible. Hein. On peut y aller, vas-y. Hein. Tu peux enchaîner, hein, pas de problème. On peut parler de ta calvitie qui commence de là jusqu'aux Champs-Elysées. Tranquille. Pardon? Au début de calvitie. Pardon? Non, il y a des codes. Non, en fait, c'est un grand. Regarde le président. Regarde le président à tes côtés. Il y a des codes. On est sur le même autoroute tous les deux. Hein. Ça glisse pareil. Non, aussi, respecte tes anciens. Bon, bah, bienvenue en tout cas à toi. Merci à toi, Fred. Et puis, on peut te retrouver. On va aller suivre un petit peu. Gim, c'est quoi? C'est aussi diversifier, faire plein d'autres choses, pas que de la musique. Trouver des gens, des nouveaux talents pour les mettre en avant. C'est ça aussi l'avenir pour toi? Exactement. Exactement. Ça va dans tous les sens. Je pense qu'il ne faut pas se fermer, se limiter à la musique seulement. Il y a plein de gens qui ont plein de talents dans les quartiers, dans les cités, partout en France. Et je pense qu'il faut laisser la chance à tout le monde. Donc ça, c'est le prochain objectif aussi? Ça, c'est le prochain objectif avec Noah. D'aller un peu plus loin? Ouais. Très bien, bon, on suivra ça en tout cas. Un petit mot aussi sur le président qui est de retour. Le président, il est là, il est venu me soutenir. C'est quelqu'un... Qui a beaucoup bossé aussi sur l'album. Cet album, c'est son album, j'ai envie de dire. C'est son album. C'est son album aussi, c'est sa sortie. Le stress, il a été partagé. Il a partagé le stress autant que moi, parce qu'il était là avec moi au studio dans les Nuits Blanches. Donc c'est son album. Il l'a suivi du début à la fin, il l'a supervisé. Il était là partout, tout le temps. Il était là partout. Comme il sera dans le Comme je serai dans son projet. Black House. Non, mais c'est vrai que toi aussi, t'avais pris un peu de recul aussi ces derniers temps, ouais. Donc on t'entendait un petit peu moins, un peu moins présent, mais voilà, toujours la musique, toujours passionné autant par la musique. C'est quelque chose qui est difficile à quitter. Hein. On fait ça depuis qu'on a 13 ans. Bon, aujourd'hui, j'en ai 29. Ça fait longtemps qu'on fait ça, donc c'est une habitude, tu vois. Mais après, des fois, il y a besoin de souffler, il y a besoin de voir autre chose, tu vois. Nous, entre-temps, moi, j'ai fait du business, j'ai ouvert des magasins, tu vois, des food corners. Un peu partout. Ouais. Ça commence à pousser un peu partout, tu vois. Donc voilà, j'ai pas dormi non plus. Et puis j'ai été derrière. Bah t'as vécu albums. Quoi, t'as, voilà. Ouais, et puis j'étais derrière les albums des autres artistes, de Maska, de Black M, de Gims. Et puis voilà, j'ai toujours été plus ou moins là-dedans, quoi. Est-ce que Gims a quand même réussi encore? Tu le connais depuis longtemps, on le disait, hein, c'est une affaire de potes d'il y a de nombreuses années. Est-ce qu'il t'a encore surpris avec cet album? Ouais, mais en fait, tu sais, oui et non. Pourquoi? Parce que moi je suis pas surpris d'être surpris, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est notre numéro 10. C'est notre Messi à nous, tu vois. Donc, les joueurs qui sont à côté de Messi sont surpris de Messi, mais ne sont pas surpris de Messi. Quand ils voient Messi ne plus faire de dinguerie, ils se posent des questions. Donc, si demain on voit Gims ne plus nous surprendre, bah, à partir de ce moment-là, on va se dire bon, gros, bah, arrête la musique, c'est plus pour toi. Mais là, par exemple, t'as pas eu de doute, hein, sur celui-ci, sur non, cet album. Pas du tout. T'as pas eu, hein. Jamais, pas l'ombre d'un petit doute. Et c'est... Moi, je doute pas, en fait, sur Gims. C'est lui qui doute sur lui-même. Moi, je doute pas. Je sais où il va aller, je sais qu'est-ce qu'il va faire. Je sais, tu vois. Bon, t'es présent aussi, hein, sur l'album aussi, on le disait, voilà, derrière, t'es présent. Bien sûr. Et sur un morceau aussi qu'on Contradiction. Peut ouais. Contradiction. Ouais, c'est un morceau qui. C'est un morceau qui nous ressemble à nous, ouais. Qui nous ressemble tous les deux. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Ce morceau, Contradiction, c'est. Bon, je pense que c'est l'histoire de l'humanité, mais nous, on l'a abordé vraiment personnellement. Mais on sait que tout le monde va se reconnaître, parce que plus ou moins, tout le monde se contredit à un moment. On dit que les imbéciles ne changent pas d'avis, par exemple. Ouais. Si ce proverbe il existe, c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est un morceau qu'on a tenu à partager ensemble, raconter notre histoire ensemble. Et puis voilà. Tiens, on nous demande si tu vas sortir aussi un projet. Bah écoute, j'ai juste envie de te dire, la propagande ne fait que de commencer. Ah, un indice peut-être. Un indice. Un indice. Allez, en plus de trucs comme ça. La propagande ne fait que de commencer. Très bien. En attendant, on est ici, on vient soutenir Muggy, un frère. C'est plus un ami, c'est un frère. Et je suis content de voir aussi Niska aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est un petit que. T'as suivi aussi, ouais, pareil. Ouais, moi j'admire beaucoup, bien moi sûr. J'aime bien son c'est... parcours. Aime moi beaucoup, j'aime on aime les mecs. Beaucoup ce qu'il fait. Tu sais, les gens qu'on invite ici ou dans le projet, machin, c'est des gens qu'on apprécie. Moi j'aime les gens qui viennent de nulle part. Voilà. Et qui explosent. Et qui explosent. J'aime nulle ça, part. Tu vois. Tu le vois pas arriver, boum. Les quartiers et tout ça, non. Nous, et on moi je vois le phénomène. J'ai le recul. Lui, il a peut-être pas le recul sur ce qui se passe actuellement, mais moi je vois. Prépare-toi. Je fais des shows à gauche, à droite, je vois ce qui se passe. C'est énorme, c'est énorme. Ça fait comme Jaja. Jamais. Justement, t'as quel recul? C'est intéressant ce que dit Gims. Et Adama là-dessus, t'as quel recul là? T'as l'impression que ça va vite, trop vite en ce moment, ou que c'est finalement le résultat d'un boulot que tu fais depuis plusieurs années maintenant? C'est le résultat d'un boulot que je fais depuis plusieurs années, hein, comme tu dis. Tu vois. Après, moi, je vois pas spécialement, tu vois, tout ce qui se passe autour. Je suis concentré, sur ce que je dois faire, tu vois, parce que il y a ma mixtape qui sort aussi le 2 octobre. Ça arrive, ouais, le 2 octobre. Je suis en live qui sort le 2 octobre. On aura l'occasion d'en parler aussi dans Planète Rap. Tu vois, je travaille pour ça. Je suis à fond dans ce que je fais et j'espère que ça va tout péter. Eh ben, c'est bien parti. Envoyez vos messages aussi à Niska avec le hashtag Maître Games sur Skyrock. On met quoi comme morceau, Games? Bah écoute, avec 26 sons comme ça, c'est pas facile. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Mettons Contradiction, tout simplement. Ah bah très bien, on en parlait à l'instant. Le morceau. Contradiction featuring Barack Adama. Barack Adama dessus. Pilule bleue. Pilule bleue, c'est extrait de ce double album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Puis après, on fera un point sur le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ouais, on va répondre. On va répondre à ce téléphone. Cette chose est là. Dans un instant. Cette chose est ici. Depuis lundi, c'est le téléphone de Gims. Aye. C'est au 06 71 74 84 15. On prendra un appel. Qui balance? C'est Last One qui balance le son? Hey yo, Last One, ouais, il va balancer le son numéro 1. Last One, toujours là, depuis lundi. C'est extrait de Mon cœur avait raison. Dans les bacs depuis aujourd'hui. Tout le monde me regarde, tout le monde attend quelque chose de moi. Mais c'est toujours le même homme que j'aperçois dans le miroir. Puis j'ai honte donc j'ai des lunettes sur le nez. Mais qui peut prétendre avoir l'innocence d'un nouveau-né? J'ai prêché le frais comme le faux, je m'en excuse. Ne m'en voulez pas, on a tous un côté schizo. Gandhi, Juna, petit enfant du pays. Reste toi-même, n'oublie pas que la thune embellit. J'aimerais tout reprendre à zéro, mais je ne suis pas un super-héros. Je ne peux pas jouer tous les rôles. Désormais je retiendrai mes mots. Comment vous expliquer tous mes choix? Toutes les décisions que j'ai prises. Être à la hauteur de mes valeurs. Mais trop souvent je les contredis. Désolé mais je ne suis qu'un homme. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie. J'aimerais qu'on oublie aussi mes erreurs. Personne n'est infaillible. Ah, ça devient embarrassant. Je suis prisonnier de mes grandes déclarations. J'attends rien de personne, même pas une lettre. Mais j'ai honte et je ne sais pas où me mettre. Y'a des paroles qu'il faut assumer. Quand tu déçois, c'est un mythe qui part en fumée. Un jour tu dis si, le lendemain tu dis ça. Et tu t'étonnes que tes amis te trouvent bizarre. Je suis dans un gros paradoxe. Je pourrais pas te faire de parabole. Les paroles j'ai cumulées et j'ai fini humilié. Car manque de peau, la poisse et la vie se sont jumelées. Tous ceux qui me regardent aujourd'hui se sentent carottes. La réalité va plus vite que la parole. Et tout comme j'aurais fait sur moi t'as médit. Mais je suis comme toi, je me contredis. Comment vous expliquer tous mes choix? Toutes les décisions que j'ai prises. Être à la hauteur de mes valeurs. Mais trop souvent je les contredis. Désolé mais je ne suis qu'un homme. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie. J'aimerais qu'on oublie aussi mes erreurs. Personne n'est infaillible. Contredis. Je dis le contraire de ce que je fais. C'est pas voulu mais je suis qu'un homme. Je suis qu'un homme. Contredis. Les kilomètres entre garder. Le Planète Rap avec Maître Gims et Baraka Dama qui est de retour aussi dans le studio de Planète Rap sur ce morceau présent. Bon retour, hein, une tuerie, une dinguerie, Baraka Dama, Maître Gims. Niska, il s'est fait beau, oui, en effet, mais il n'est pas tout seul. Hein, il n'est pas tout seul. Parce que nous avons peut-être le numéro 1, Norbert de Niska, Paris, qui est là. Niska qui est contagieux. Il est contagieux. Non, c'est un gars contagieux, c'est vrai. Hein. C'est vrai que les images sont dispo. C'est bon signe, ça. Sur le Skyrock FM, skyrock.fm, sur l'application Skyrock, vous allez pouvoir découvrir un petit peu. C'est vrai, ils sont ridicules. Qu'est-ce que je peux changer, Norbert, tout de suite? Est-ce qu'il faut que j'enlève? Parce que là, par rapport à vous, il y a un truc qui a changé, c'est pas possible. Il faut simplement enlever le suite. C'est vrai que c'est tout con, mais je peux l'enlever en effet. Après, j'ai un t-shirt en dessous. Simplement enlever le suite, gros. Voilà, là t'es mieux là. Voilà, là c'est mieux comme ça. Là c'est beaucoup mieux. C'est vrai. C'est vraiment beaucoup mieux. Vous voyez, là il y a l'air qui rentre, là c'est bon. Ou qui sort du suite. Fois, c'est la puissance normative qui envahit. À l'honneur, c'est ça paye de mettre Gims. C'est ça aussi. Norbert de Paris qui est là. Allez mater les vidéos de Norbert de Paris aussi. Allez faire un tour. Gims, prend un petit coup de fil, dernier petit coup de fil là, parce que les gens essayent de te joindre depuis ce matin, enfin en même temps 24h sur 24. C'est le 06 71 74 allô 84 15, allô. Oui, allô. Ça va? Bonjour à l'anneau. Eh oui, c'est lui-même, c'est le moi-même. Vrai. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquille. Ça va. Vous dites qu'à Cesco, c'est la roue? Comment? Vous dites qu'à Cesco. Cesco? Cesco, c'est une dédicace qu'il voulait passer. Ah, dédicace à Cesco alors. Merci d'avoir appelé. Hein. Merci à toi en tout cas, Cesco. Merci d'avoir appelé. Ouais. Voilà, allez, un autre en vitesse aussi, Gims, peut-être un autre aussi. Ouais, un autre. Quelqu'un autre qui appelle tout de suite. On va aller vite, on va essayer d'en prendre. C'est FaceTime, ça c'est quoi? Ah, vas-y, tu peux prendre un FaceTime aussi, il faut cliquer. Vas-y, si tu veux. Oh, c'est bon, c'est. C'est bon, ça marche. 06 71 74. Allô 84 15. Ouais. Ouais, c'est Maître Gims. Eh oui, c'est Maître Gims. Ouais, ça va, toi? Ça va et toi? Ouais, j'écoute Planète Rap là. Ah, écoute, tu nous vois, tu nous vois pas, non? Tu es en direct à l'antenne. Non, bah non, je vois pas, mais j'écoute, frérot. Ah, ça fait plaisir. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Dédicace à Emmanuel. Aïe. Ah, vas-y, t'inquiète. Eh ben merci, voilà, merci, le message Emmanuel est passé et on va te faire. Bonjour à Fred aussi. Hein. Eh ben salut à toi, Emmanuel. Merci d'être là, merci d'être fidèle à l'émission. Bonjour à l'équipe derrière. Merci, Emmanuel, merci. Ça fait plaisir. Et il y a du monde. Vraiment, je kiffe vraiment tes sons, hein, depuis le début que tu rappes, quoi. Ah, écoute, merci du. Demande-lui s'il a acheté le nouvel album quand même. T'as pu écouter le nouvel album? T'as pu écouter le nouvel album un peu? Bah ouais, j'ai écouté l'album. Mon cœur avait raison, ouais. Exactement. Ça fait plaisir, Emmanuel, merci. T'inquiète. Merci, par contre, une question à te poser, Gims. Dis-moi. Ouais, je voulais savoir, dis-moi, toi, que moi aussi, je fais un petit peu de rap, tu vois, rap français plus. Ouais. Et puis, je voulais savoir, vu que ça fait des années que tu rap, est-ce que c'est possible de se rencontrer, histoire de faire des sons ou de faire des featuring. De faire des featuring. Écoute, bien joué. S'organiser, on va voir ça. Je vais écouter ce que tu fais, tout ça, tu vois. Faut passer par What It Do. Voilà, tu viendras à Paris, à la boutique, tout ça. On va essayer de développer ça tranquillement. Et c'est où? Alors, nous allons te filer l'adresse. T'es très bon. 29 rue de la Ferronnerie. 29 rue de la Ferronnerie. 29 rue, ouais, tu déposes ton premier CD, machin, et voilà. C'est tout ça. PDG là-bas. Ah ouais, c'est sur Paname, quoi. Tu vois, tu vas être reçu par quelqu'un qui a un crâne assez. Dégarni. Assez difforme, ouais. Tu vas le reconnaître. Bon, merci Emmanuel, qu'on a du mal à entendre à l'instant. Merci, et 29 Emmanuel. Rue de la Ferronnerie, pour, bah, justement, pour tout le monde déposer des maquettes. Et on va revenir dans quelques minutes. Gims, ne bougez pas avec Niska aussi. On écoutera ce morceau, ça paie comme jamais. On va l'écouter tous ensemble. Parce que celui-ci, il est attendu, ce morceau. Toi aussi, c'était marrant de le faire, celui-ci, ça paie comme jamais, Niska, ouais, non? Ah, j'ai kiffé. C'est un autre délire encore de ce que t'as pu proposer. L'instru, elle est très, très, très, très lourde. L'instru, elle m'a envoyé loin, tu vois. J'ai écouté l'instru, c'est parti direct. Boum, boum, ah, il a écrit direct, boum, hein. Boum, boum, direct. Il avait, moi, j'ai fait appel à lui, c'était en dernière minute. Dis-toi, je devais rendre le CD dans deux jours, genre. C'est le dernier morceau que j'ai fait, c'était Sapé comme jamais. Il était pas prévu du tout dans l'album. Ouais. Et c'est quoi? C'est un matin, tu t'es réveillé. Barak Adama, il a pensé. Moi, j'ai fait l'instru. C'est Adama. Barak Adama, il a pensé tout de suite à Niska dessus. Il dit, mais il faut Niska absolument dessus. Ah, c'est toi, ouais. Et vu que c'est un rythme assez, tu vois, c'est coupé, décalé, nigérien un peu machin, j'étais pas sûr qu'il allait apprécier, tu vois. J'étais pas sûr. Mais en même temps, je me disais qu'il est, tu vois, il est un peu dans ce délire-là, tu vois. Ouais. Malgré qu'il fasse de la trappe, machin, mais ça se rejoint. Ça se rejoint. Ça se rejoint grave. Et il a tout de suite kiffé, là, il a gratté, il m'a envoyé le truc, mais carré, mais c'était un truc de fou. Ah, et de là, c'est parti. Franchement, j'ai kiffé direct. Ah ouais, direct. Ah, j'ai kiffé direct. Tu t'es dit, allez, faut que je pose. C'est un des favoris des gens. Ah, c'est un des favoris. Moi, je vois dans mes, sur mes Snapchat, le machin, c'est que ce son-là qui revient. C'est un truc de fou. Non, mais là, le son, il va rendre con les gens. Direct. Ce son, il rend con. Et ben, qui rend, et bien, si vous voulez être très con, ne bougez surtout pas. Dans un instant, nous allons revenir sur Skyrock avec cet extrait, Maître Gims, ouais. Niska, extrait du projet Mon cœur avait raison, qui est sorti aujourd'hui, juste après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Maître Gims pendant une heure complète ce soir. Planet Rap, Maître Gims. Le dernier Planet Rap de la semaine avec Maître Gims, c'est l'album qui est sorti aujourd'hui. Cet album est dans les bacs, le double album, ça y est. Ouais, ça il est lâché. Dites-nous vos morceaux préférés avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Ça arrive dans le studio ce soir et là aussi le président Barack Adama est de retour. Il est là sapé comme Jaja. Sapé comme jamais. Niska aussi est sapé comme jamais, il est là avec nous. En attendant aussi le projet attendu, c'est octobre. Hein. Ouais, le 2 octobre, Charolais. 2 octobre. Le 2 octobre, ouais. Et ça, c'est concept mixtape. Hein. C'est mixtape pour l'instant. En attendant l'album. En attendant l'album, courant 2016. Gims, tu peux nous dire un truc? T'as écouté un peu du Charo Life? Oui, ouais, j'ai écouté, j'ai même dansé. C'est mon petit frère qui m'a. Darcy qui m'a fait découvrir ça, donc c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, c'est envoûtant, comme je disais, c'est contagieux, tu vois. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. J'ai vu pas mal de gens se prêter au jeu. Il a ramené vraiment quelque chose de différent, tu vois. Chanter comme ça en même temps, danser, bouger, tu vois, avec de l'attitude comme ça, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. J'attends de voir ça sur un Zénith, un Bercy. Ah oui. On espère. T'as déjà des scènes de prévues ou pas? En attendant le Zénith et évidemment Bercy, il y a des petites scènes de prévues. Ouais, normalement, je crois, il y a Cigale. Cigale qui arrive. Qui est déjà bien d'ailleurs, Cigale. Très lourd. Qui est un super endroit. Nous, dis-toi, on a fait la Cigale, on n'a même pas pu le faire, on l'a fait en première partie. C'était déjà un honneur, tu vois. Lui, va le faire tout seul. C'est le 2 octobre pour la sortie, puis on en parlera aussi dans Planet Rap. Et il y a Norbert de Paris qui est là avec nous. Le grand Norbert de Paris. C'est un grand frère, hein. Attention. Hein. Un tonton. Oui, non, mais je suis là avec. Il y a des projets à venir avec la maison World Premier. Donc on n'a pas envie de tout dévoiler, mais les gens se rencontrent d'autant plus surpris. Donc pour l'instant, moi je me focalise sur le projet en fait de Maître Gims. Ça fait comme jamais, il a fait honneur aux sapeurs. Et aujourd'hui, la puissance ancestrale envahit le plateau. Et ça boue en moi, comme on dit, on rend hommage à l'écrivain Zamanga qui a écrit Un crocodile à l'Ouosi. Hein, l'animal a souffert, bâillonné, ligoté, les yeux bondés pour éviter le stress. Même mort, il reste agressif. Je demande pardon à Brigitte Bardot. Ah, de Paris. Épargne-nous. Non. On est trop faible, Norbert. Norbert, ne fais pas ça maintenant. On va pas tenir jusqu'à 20. Mais la puissance norvatique, elle est comme ça. Elle arrive comme l'ouragan Katrina. Elle dévaste tout sur son passage. Pont, maison, route. Maître Gims. Norbert, j'allais te demander que tu nous fasses, que tu nous donnes ton avis sur l'album. Mais là, il a été donné rapidement. Ce double album, pilule bleue, pilule rouge de Gims. Pilule bleue, pilule rouge de Maître Gims. Norbert, c'est naturel en fait. Donc, vous voyez là, j'ai respecté les trois couleurs. Parce que le thème, c'est pilule rouge. Vous voyez, et le rouge, c'est la couleur du pouvoir. Chaque président, chaque homme d'État, quelqu'un de valeur, quand ils arrivent à n'importe quel endroit, on étale le tapis rouge. Et c'est la couleur de la puissance. Norbert. Moi je dis Norbert a parlé. Ne le faites pas trop parler aussi comme ça. Ça c'est des paroles, c'est des perles. Alors, il peut pas lâcher ça comme ça. Non mais on a eu l'analyse quand même côté rouge, frère, côté pilule bleue. Quelle analyse on peut faire sur le côté bleu, la couleur bleue? La pilule bleue, ça dit que par rapport aux ancêtres, en fait c'est la couleur de l'esprit. C'est la couleur divine. Donc quand on voit le bleu, on voit Dieu. On est en accord avec les ancêtres. Et nul n'est inspiré s'il est en accord avec les ancêtres. Et la musique vient de là, la sape vient de là. Et les deux vont de pair. Oh là là. D'accord. Que du lourd. Moi, je pense que là, tu mets ça. C'est enregistré tout ça. Tu mets ça en argu maintenant. Tu rajoutes ça en argu sur pilule bleue, pilule rouge. Il voit des choses avec les couleurs. T'en vends 200 000 de plus, hein. C'est des sciences. C'est pour ça que je l'ai fait venir aujourd'hui. C'est des sciences exactes. De sa science. Parce que c'est difficile de l'avoir. Merci en tout cas. Merci Norbert de Paris d'être avec nous. On l'écoute enfin ce morceau, Sapé comme jamais. On va écouter Sapé comme jamais en direct pour la première fois à Skyrock. Avec DJ Last One ici présent numéro 1. DJ Last One qui va nous introduire tout ça en douceur. looking for my honey. You're telling me this, you're telling me that. I say this is not for me. Johnny do me funny. Johnny do me funny. He's doing me this, he's doing me that. But I know what's him on me. If I show you my money, are you gonna dance you? If I show you the way, are you gonna dance you? If I show you my pocket, baby, are you gonna dance you? If I show you the wallet, I will. On casse ta porte, c'est la Gestapo. J'ai retrouvé mes gigolambos. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos. Voilà, dis, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule le façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule le façon Aladdin. Ça fait. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Charlie Delta localisé, l'Embilasso focalisé. Tapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. Le goût à nos Hermès. Vive vite ton sac, je fais la recette. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Sapé comme jamais à l'instant avec Niska sur l'album de Metro Games. Ouais. Je voulais juste quand même qu'on fasse un petit point parce que si vous n'avez pas les images là qui sont diffusées sur Skyrock.fm sur l'application Skyrock, un moment Norbert de Paris nous a sorti une serviette. Ouais, une serviette. Qui a été tendue pendant le live. En croco que j'ai. Impressionnant. Impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a, Norbert? Est-ce qu'il faut absolument il faut absolument avoir une tenue et la serviette qui va avec. Mais ça, c'est un haut niveau. Et ça, c'est serviette croco. Hein. Voilà, croco. Mais comme on a parlé du bleu, en fait, un vrai sapeur, quand il se trimballe, il ne doit pas mettre ses affaires dans des poches. Donc là-dedans, généralement, il y a des objets en fait, qui nous servent de nous servir, genre parfum, paquet de clopes, tout ça, c'est dans la serviette. Tout est dans la serviette. Voilà, mais les mamans, il ne faut pas qu'ils confondent, ce n'est pas la serviette qu'on ramène à la douche, hein, c'est autre chose. Bah, surtout celle-ci, c'est 100% croco celle-ci. Ben oui, c'est du véritable crocodile, parce que ça, c'est le pot exotique. Quand je vois ça, l'adrénaline monte, et si c'est jumelé à la chanson de Maître Gims, ça fait comme jamais. En plus, la puissance normatique, brrrra, que du lourd. Merci. Merci pour ce petit point mode, en tout cas, c'était important avec merci. Norbert ouais. de Paris. Et ce morceau de Niska, justement, ouais, façon de poser pareil, de Niska, terrible. Hein. Terrible, hein, la façon d'arriver, de poser, c'est ça, Bam. Niska, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions aussi. Beaucoup de réactions des supporters. D'ailleurs, merci aux gens qui sont venus à la séance dédicace tout à l'heure. Ils étaient des milliers, c'était un truc de fou. Il y avait une queue de malade mental. Donc, merci à tous ceux qui sont venus. Merci. Ouais. L'album, il est là, il est dans les bacs, il est partout. Je crois que tu seras aussi du côté de Lille, c'est la semaine prochaine, ouais, il me semble. Ouais, exactement. Il y a les dates qui seront données sur les différents réseaux sociaux. Exactement. Pour retrouver Maître Gims près de chez vous, on est avec Skredka de Lille par téléphone. Tu en parlais de Lille à l'instant. Skredka, ça va bien? Ça va et toi? Bienvenue dans ce Planète Rap fou, un Planète Rap incroyable avec Maître Gims, avec Barack Adama, avec Niska, avec Norbert de Paris et puis avec toi aussi. Ok, ça va les gars? Ça va, ça va. On est en pleine forme. Ça va, très bien. Est-ce que tu as récupéré cet album de Gims? Ouais, je suis allé tout à l'heure, j'étais à la séance dédicace. De quoi, pardon? Ouais, bien, j'étais à la séance dédicace, donc voilà. Ah, tu étais à la boutique Watiné? Merci. Ouais. Ah bah voilà, tu es venu de Lille pour venir faire dédicacer pareil. Le double album, on va t'écouter rapper alors, Skredka, c'est parti? C'est parti. On y va. Collectif trou ma gueule, eh, hey, ça fait, eh, hey, hey. Ça rap sec depuis que les gars sont dans le lourd pour mettre des basses. C'est pour mon sauce, hein, mes gars, tu connais le bail, on fait péter des basses. Oh, que du lourd, mon gars, sur on assure, on tire dur. Négro, faut que ça cesse, trop mature pour la hurle, mon son, un putain de remède dur comme la cesse. Je veux tout leur délire, pas de carré pour faire du hard, un négo trip pour mes gars, mais qui peut, mais grave, je graverai mon nom dans le marque. Mon poteau, le rap est pas mort, il attend juste de te voir canner. Ils sont dans la vente de farine pour pouvoir toucher leur blé. Ça rap sec, pas pour du tiep, pour des lovés. 5, 9, c'est le coup de jet, ils me font tiep, ils veulent rapper avec mes gars, t'attaques l'album qui t'a dit de négliger. Entre les stars et les radars, ils font dans l'avant des clichés. Pour mes gars qui se battent des tâches vers les battles de chaîne, les scénettes de la place, seulement pour mettre des claves, madame Mayette. Moi, en fait, parlant de la tête et de leur putain des cartes, tu connais les détails, c'est pas grave, c'est du crèche, c'est du canne, dommage collatéral, yeah. Ok, Skredka à l'instant par téléphone du côté de Lille. Merci à toi, Skredka. Ben merci à vous, merci à vous. Yes. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, je voudrais passer une dédicace à JL qui a fait le freestyle par téléphone il n'y a pas si longtemps. Ouais, il y a quelques jours. Ouais, il y a quelques jours. Une dédicace à Ormega et une dédicace à mon gars Serra collectif, du collectif Crew. Donc, voilà. Eh ben merci à toi en tout cas Skredka et bon courage pour la suite. Merci. Merci d'être venu à la séance dédicace Le Planète Rap. Avec ce soir aussi, on va saluer Mac Tailleur qui nous a rejoint, qui est venu supporter, ce double album de Gims. Je disais ça bien? Ouais. En forme, t'étais là la semaine dernière, t'es de retour. Ouais, on est là mon frérot, hein. Ouais. C'est la sortie de l'album. Je me sens moins seul, t'es en t-shirt comme moi, parce que regarde. Bah ouais, je suis pas au courant là. Regarde ce qui se passe autour de nous là. Là, tous les négros ils sont au max là, tu vois. Ah. Y'a que moi là, je suis en streetwear, je suis dégoûté là, tu vois. Ah, ouais. Pas aimé parce que là, mais toi aussi t'es venu comme ça. Je savais pas que bon, maintenant t'es en pilule rouge, ça va. T'es venu me. Ouais, ça va. On t'aurait préparé là, je t'aurais ramené un truc sur mesure. Ah non, Norbert, ça va quand même la tenue de Mac Tailleur, ça va. Bah, du moment où il a respecté la couleur, vu qu'on parle de rouge, donc c'est bon. T'es validé par Norbert. Ah, si je suis validé par ce grand maître, ça va. Ouais, mais on va rappeler 2-3 trucs. C'est que Mac Tailleur, il était là la semaine dernière, je crois. Ouais, et 29 août, ça approche. T'as aussi une séance. Parce que Mac Tailleur est aussi dans le côté où il faut aider les autres. Distribution de fournitures scolaires à Aubert. pour les familles qui n'ont pas Aubervilliers. Et c'est demain à 13h, ceux qui veulent venir, des familles qui n'ont pas, qui passent. Voilà. Et un petit mot sur cet album, double album de Gims. Ah, il a travaillé, hein, il a travaillé dur, hein, il s'est fait violence. Hein. Il s'est fait violence. Donc, il a réussi à sortir un double album. Et franchement, c'est lourd. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont s'y retrouver. Et il y a de l'originalité, comme le morceau qui vient de passer là. C'est un, je pense que là, dans les gros morceaux de l'année 2015, il va en faire partie. Hein. Et bah c'est dans les bacs depuis aujourd'hui ce double album de Maître Gims. Ouais. On va finir avec un morceau, je vais te faire écouter aussi. On a chopé quelques messages sur le répondeur, là, le téléphone que tu avais la semaine dernière. D'ailleurs, Mac Taylor, 06 71 ouais. 74 84 15. Tiens, écoute. Ah, Maître Gims, Maguiwalano, Lune Pile Rouge, mon pote. Et en plus, c'est pas qu'une blague. Mes enfants ont dit qu'on pouvait parler à Maître Gims. Bah, j'en suis totalement baba. Oh, allô, c'est Maître Gims ou quoi? Ça va, Maître Gims? C'était pour te dire que toute ta musique et tout ça, ma mère, mon frère, mon père et moi, on adore. T'as ton style et franchement, continue comme ça. J'ai 64 ans, mais je kiffe tout ce que tu fais. Je vais faire plus de 40 km aller-retour pour aller chercher ton nouveau CD à la Fnac à Beauvais. Maître Gims, c'est le meilleur! Allô, Maître Gims, c'est Wael, c'est pour vous dire que j'aime trop vos chansons, surtout l'envie. J'essaie d'y croire, je me voile sûrement la face, je me voile sûrement la face, tu m'as poignardé dans le noir. Trop biguette, franchement, j'écoute le Planet Rap ce soir, franchement, il est lourd, gros. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel, où nous mènera ce jeu du mal et de la femelle. Au revoir. Fin de nouveau message. Waouh. Voilà. Il y en a pour tous les âges en même temps. C'est un truc de fou, ouais. Tous les âges. Mamie, moi, 64 ans, qui va aller à Beauvais chercher. C'est moi qui me donne des frissons, c'est ça. Tu vois, quand je vois tout ce monde là dans les concerts, c'est ça qui donne la motivation et tu te dis qu'il y a des choses à faire encore. Et en parlant de concerts, la tournée aussi au mois de novembre. Gims, ouais. Avant de se quitter, on finit avec quel morceau? On finit avec quel morceau? C'est un morceau important, le dernier morceau de cette semaine Planète Rap. Vu que l'album est sorti, les gens ont tout écouté, se sont procurés cette chose. Ah, je sens que tu es conseillé par le président. Je pense qu'on va faire écouter Mon cœur avait raison. Mon cœur avait raison. Ouais, pour terminer en beauté, je vais placer 2-3 dédicaces avant. Dédicace à Nat, dédicace à Dawala qui est pas là. Dédicace à tous les mecs de Drancy, tous les mecs de Paname, Paris Sud, Paris Nord, Paris Est, Ouest. Dédicace à l'Afrique, dédicace à Noa Lounsi ici présent. Dédicace à Niska, Norbert, Barak Adama, El Khenera, les Mac Taylor, Bejik, Darcy, Dajou qui n'est pas là, Black M, tous ceux que j'ai pu oublier. Dédicace à tout le monde, merci à vous tous, merci pour le soutien, merci pour tout, merci. Allez, on écoute ce morceau et puis on dira au revoir juste après. Fred, juste oui. Un petit mot. Vas-y, vas-y. Oh, juste, rien de méchant. Pour dire que la boutique Food Corner Mo, bah, je fais ma pub, je peux. Ouais, tu as raison, vas-y. Food Corner Mo ouvre le 20 octobre à Mo. Nouvelle ouverture. Nouvelle ouverture d'un magasin Food Corner à Mo. Donc soyez présents, on sera tous là. Au mois d'octobre. Sapé comme jamais. Sapé comme jamais, mon cœur avait raison. Ouais. Antoine, tu nous balances ça? Ouais, DJ Last One commence. Et on fera tourner la roulette dans un instant sur Skyrock, on se dira au revoir aussi. Je sais, parfois j'ai pu te rendre triste, je reconnais que j'ai pu être égoïste. On a tous les deux nos torts, mais notre amitié vaut de l'or. Je n'ai même pas vu grandir ton fils, et quand j'y repense, ma poitrine se crispe. On a tous les deux nos torts, mais notre amitié vaut de l'or. Aussi loin que je me souvienne, que je me souvienne, nos plus belles années en étaient ensemble. Chez moi t'auras toujours ta place. Je n'ai jamais tourné le dos, tout ce que les gens disent sur moi est faux. Oh, tu sais qui je suis. Je n'ai jamais tourné le dos, tout ce que les gens disent sur moi est faux. Le temps nous montre qui sont nos vrais amis, ceux qui lavent ton honneur quand il est sali, et qui n'oublient pas que l'amitié vaut de l'or. Ne sois pas injuste, on a tous les deux changé. On s'est comporté comme deux étrangers et on en a oublié. Dédicace à Makan Keita, Noko Vesti. Aussi loin que je me souvienne, que je me souvienne, nos plus belles années en étaient ensemble. Jerry Zaus. Cassé. Je reste ton ami. Aucun homme sans défaut, aucun homme sans écho. Peut-on vivre sans les autres? Aucun homme sans défaut, aucun homme sans écho. Peut-on vivre sans les autres? Je Voilà, le Planète Rap qui s'achève pour cette première semaine avec Maître Gims. Merci vraiment en tout cas Gims pour merci cette belle toi, semaine. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé depuis lundi. L'album est dans les bacs depuis aujourd'hui, un double album. Ouais. Pilule bleue, pilule rouge. Mon cœur avait raison. Mon cœur avait raison, on a conclu avec ce morceau. Merci à Niska d'être passé aussi. Ouais. Merci à toi. Et puis on t'attend bientôt aussi. Donc pour le 2 octobre. Ouais, voilà. Avec on le retrouvera bientôt sur Skyrock. Et là, il y a des clips qui arrivent, des nouveaux sons qui vont être balancés. J'ai un freestyle qui sort dimanche là, et mon deuxième single officiel qui sort le 11 septembre. Donc 11 septembre, mais on en reparlera dans la nocturne notamment. Pas de problème. Niska. Yes. Merci à Barakadama qui était là aussi ce soir. Yes. Plaisir de te retrouver aussi. Toujours en pleine forme. Toujours un plaisir d'être ici. Et puis dédicace à toute l'équipe section d'assaut. Je sais qu'ils écoutent tous. Ils sont tous derrière Mugué. Une grosse dédicace à toute l'équipe de la section. Dédicace à la section d'assaut. Et puis Norbert aussi de Paris qui était là avec toute sa classe. Norbert qui était là avec toute sa classe. Oui, Norbert de Paris aujourd'hui qui est suivi par la maison World Premier. Donc c'est World Premier qui essaye de suivre la carrière de Norba. Et je pense que le public ne sera pas dessus. Il y a des trucs, des bons projets qui vont arriver. Donc des bons projets qui arrivent pour Norbert. Ce soir, il y a un truc en particulier, il faut aller quelque part, Norbert, une soirée, élégance, quelque chose. Non, aujourd'hui, en particulier, en fait, c'est la chanson Sapé comme jamais. C'est ça vraiment qui est particulier. Donc, je pense qu'un vrai sapeur et la vraie qualité de star doit apprendre à s'ennuyer. Donc, je vais aller m'ennuyer chez moi tranquillement avec la chanson Sapé comme jamais. Donc, tu ne vas pas t'ennuyer, Merci, Norbert. Non, je ne vais pas m'ennuyer. Au final, tu ne vas pas t'ennuyer. Non, quand je parle de l'ennui, je ne parle pas de l'ennui au sens propre du terme. C'est-à-dire que je dois être cloîtré chez moi avec la chanson Sapé comme jamais parce que c'est ça pour le moment, il n'y a pas d'autre débat. C'est ça. C'est ça. Ça me fait plaisir. Merci en tout cas à Norbert de Paris d'être passé tout ce Last One qui était au platine toute Last cette One semaine. Là, Noah Lunzi qui était avec nous aussi. Dany Sainté qui est passé supporter aussi, qui a beaucoup bossé pareil aussi. Dany Sainté qui a réalisé plus de la moitié du projet de l'album Mon cœur avait raison. Toute la pilule rouge pratiquement, c'est lui. C'est avec lui que je l'ai bossé et des sons aussi de la pilule bleue. Donc il m'a accompagné comme jamais. Et on se retrouve aussi dans une grosse semaine maintenant, entre 20 et 21 avec Gims qui reviendra pour continuer à parler de cet album qui est sorti aujourd'hui. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette avant de retrouver Tiffoul. Et on t'offre le jeu Until Dawn jusqu'à l'aube, plus la PlayStation 4 qui va avec. Avec Ismaël de Nantes, ça va bien Ismaël? Ouais, ça va, tranquille. Et écoute, bienvenue dans ce Planète Rap magnifique qui s'achève ce soir avec Maître Gims. Tu es prêt à faire tourner, on y va? Ouais, ouais, je suis chaud. J'ai lancé, la PS4 n'est toujours pas tombée. Elle n'est pas tombée, hein? Ah non, chez Emery, elle n'est pas tombée. Non, non, elle n'est pas tombée, elle peut tomber à n'importe quel moment. Peut-être maintenant, peut-être chez Diffoul. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop ! Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Ismaël. Ismaël, ouais. Je crois que c'est ton jour de chance, mon pote. Non. Tu rêvais d'avoir une PS4 ? Ouais. Oh, eh bien, non. Tu as la PS4 qui arrive à la maison, mon pote. Oh, merci. Avec le jeu Until Dawn, qui est sorti mercredi. Il est pour toi avec la PS4 et puis les places de ciné aussi. Pour 4 personnes. Oh, merci, toi, t'as la totale, quoi. T'es refait, mon pote, pour le week-end. Hein. Ouais, je suis refait, là. Eh ben ouais, voilà. Merci. Terrible. Merci à toi, Ismaël. Profite bien. Ouais, ouais. Ouais, merci. A plus, ciao, passe une bonne soirée. Merci à Gims encore une fois, merci à vous tous. Diffoul, tu es là, je suis à la bourre, je suis désolé. C'est pas grave, voilà. J'ai essayé de speeder, mais on était sapés comme jamais ce soir. Ouais, ouais. Il paraît que c'était assez phénoménal ceux qui ont regardé l'émission ce soir. Parce qu'on pouvait également regarder Planète Rap. Oui, on peut mater. Ouais. On peut mater. Et Gims, c'est vraiment un chapeau. Mais magnifique, Gims. Qui tirait tellement bien, Diffoul. Tu sais que ça va te suivre, ça, Gims. Oh putain. Je sais pas si vous l'avez vu, le chapeau. Oui, ah, le chapeau, j'ai vu, ouais. Le chapeau est dingue, hein. Le chapeau est dingue. Je ne suis pas fan, mais bon. Ah si, moi j'adore, attends. Il est ouf, le chapeau. Mais moi je verrais bien Diffoul avec. Je trouve on va le mettre dans le clip, on va le mettre avec bon. Merci en tout cas, merci à vous. Bah merci à toi Gims pour cette belle semaine et puis on t'attend donc dans une semaine pour le prochain Planète Rap. Voilà. Pour le prochain, ouais. Après le Planète Rap de la semaine prochaine qui est consacré Fredo à Ice MC et on peut même le dire puisque le tracklist est connu, il y a aussi un morceau avec Gims. On a fait un son ensemble. Un son avec Ice MC, on en parlera la semaine prochaine. Il est partout. En fait, vous ne quittez plus avec Fred. Ouais, c'est ça. On se quitte plus. Même le Planète Rap Ice MC, tu te retrouves avec du Gims à l'intérieur. Bon, l'album est sorti aujourd'hui. On se fera un petit extrait de l'album tout à l'heure. Tiens, on vous le fera choisir, l'extrait de l'album. Vous tous qui nous écoutez, vous pourrez choisir ça avant minuit. Dans l'équipe aussi. D'ailleurs, salut à toute l'équipe qui est déjà là. Ouais. Salut tout le monde. Bonsoir. Ça vous a plu, Gims? Moi, j'ai bien kiffé avec Niska. Ah, parce que ça faisait je sais pas combien de jours qu'on attendait ce truc, donc j'ai écouté et j'ai bien kiffé. Ah, le sapé comme jamais t'as aimé, Marie? Ouais. Ça m'étonne pas. Ça m'a fait bouger. Ce qui explique le chapeau de Gims de tout à l'heure, si j'ai compris. C'est ça, exactement. Ça, ouais. Très bien. Mais attends, t'as pas vu non plus la tenue de Niska? Ah putain, mais ouais. Niska, beau gosse, hein, vraiment. Ah, mais là, c'est. Il a changé, on l'a reçu avant l'été, enfin non, au début d'été dans la radio libre, et il a beaucoup changé en un été. C'est dingue comme le temps. C'est fou. Hein. Ah oui, c'est fou, en si peu de temps comme ça. Niska, qu'on remercie aussi d'être passé cette semaine dans l'émission. Merci Fred, on te retrouve à minuit pour la nocturne. Voilà, une grosse nocturne. Je vais aller me saper comme jamais, je reviens. Ah oui, avec toi. Ouais. Et bien à tout à l'heure, Fredo. Ciao à toutes. Salut. Ciao. Ah non, non, grosse exclu si je tiens à vous le dire de la nocturne, ouais, parce que c'est une super exclu que m'a lâché Rimka du 113. Ah. Morceau, titre inédit de Rimka du 113. Juste après vous, on va le faire beaucoup tourner ce soir, ce morceau dans la nocturne. Donc loupez pas. Et bien c'est dans 3 heures. Exact. Merci Fredo. On arrive dans un instant sur Skyrock. Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là et ça démarre. Juste après ça, comme il faut à la télé. Hein. Allez, c'est parti. Ciao à toutes. Hitman, agent 47, débarque dans les salles de ciné avec Skyrock.